On l'a entendu déjà dans l'émission. Oui, bien sûr, si l'on parle uniquement de personnes aveugles, l'accès par aux pièces, qu'est-ce qui nous sont mis sur cette part rapprochée, et aussi par lui, si je peux dire, par toute l'histoire qu'on nous raconte autour de la pièce, par l'accès à la culture, l'accès à... Étant d'un sens analytique, il nous faut forcément reconnaître du temps et souvent des explications. Et alors, il va permettre soit le pur intérêt culturel, découvrir des choses que j'ai vues, forcément, ou alors même une émotion esthétique, si le toucher est agréable, si la matière est. La forme sont agréables à appréhender par la main, mais il faut du temps. Il faut du temps et de la patience. Et il ne faut pas penser qu'on sait les sensations, les émotions sont peut-être plus fortes parce que ceux qui voient, ils voient tellement de choses que finalement, une chose s'imprime peut-être moins dans la vie. Les émotions peuvent être beaucoup plus fortes, c'est sûr. C'est un jeu qui peut être très grand aussi.